Résignation de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Résignation. Depuis plus de 6 mois, j'ai perdu le sommeil. Assis dans mon fauteuil, à l'heure où tout repose, j'attends en soupirant le lever du soleil. Et je pleure en songeant à l'alcôve bien close où tu t'endors là-bas dans un rêve joyeux. Et je te dis tout bas au travers de mes larmes: sais-tu ce qu'il faudrait pour calmer mes alarmes? Un seul regard, un seul, un regard de tes yeux. J'ai tout perdu d'un coup en perdant mon espoir. Rien ne me plaît de tout ce qui devrait me plaire. L'horizon le plus bleu me paraît toujours noir. Le temps passe sur moi, je laisse le temps faire. Et quand je m'achemine ainsi vers le linceul, sans regret d'un instant, sans crainte, sans envie, sais-tu ce qu'il faudrait pour me rendre la vie? Un seul mot de ta bouche, un mot d'amour, un seul. Tu ne le diras pas, je le crains, je le sais. Et peut-être je dois traîner longtemps encore le lourd fardeau des pleurs en mon cœur amassé avant que mon vautour enfin ne me dévore. Et je dis pourtant: toi qui sais bien pourquoi je pleure et je gémis, toi qui sais le remède, toi qui peux me sauver, je meurs, viens à mon aide. Un seul baiser, un seul baiser de toi. Fin de Résignation, lu par Ezoa, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Fin de Frivolité de Jean Brumaire.